الصلاة إن شاء الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. وما زلنا في دراسة الفصل الأول. قال في الفصل الأول معنى الصلاة لغة وشرعا. Donc on reprend toujours, on est au début de l'étude du livre, on est dans l'étude du premier chapitre. Et à la fin du premier chapitre, on est arrivé à la fin du premier chapitre. Et hier, on avait conclu notre assise avec l'étude concernant sujoud, sujoud at-tilawa, la prosternation de la récitation et la prosternation du remerciement. La prosternation du remerciement. Et donc, on avait dit que beaucoup de savants considèrent que, par exemple, la prosternation de récitation a le même statut, le même rang que la prière surrogatoire, que la prière. Et donc, de ce fait, ça fait partie des raisons que beaucoup de savants considèrent que, même pour la prosternation de récitation, ou par exemple pour la prosternation de remerciement, il faille avoir les ablutions. Il faille avoir ce qu'on appelle at-tahara. Il faut at-tahara. Et bien au contraire, on avait dit c'est l'avis de la majorité. C'est l'avis de la majorité. Que par exemple, pour la prosternation de récitation, il faut les ablutions. C'est l'avis de la majorité. Il y a même certains savants qui ont même évoqué presque un ijma, un consensus sur la question. Du fait que les quatre écoles juridiques, que ce soit عند المالكية, chez les malikites, les shafi'ites, les hanabila ou les hanafiya, les hanafites et les hanbalites, les quatre écoles juridiques considèrent qu'il faut les ablutions. Par exemple, pour la prosternation de récitation. De même que pour la prière, qu'il faut les ablutions. Et donc, ça, c'est l'avis de une grande majorité de savants, et comme on l'a relaté, c'est l'avis des quatre écoles, al-madhahib al-arba'a, des quatre écoles juridiques. Certains savants considèrent, et c'est un avis fort qui est recensé, on a dit, considèrent qu'il n'y a pas forcément besoin des ablutions. Pourquoi ? Parce que ces savants-là suivent un rapport, un qawl, une parole qui est rapportée du compagnon Abdallah ibn Omar. Abdallah ibn Omar, cela est rapporté de lui. Donc là, suivez en cela, l'imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Sheikh de l'Islam ibn Taymiyyah a suivi donc cela. Et de là, beaucoup de savants aussi ont eu cet avis. Et avant, il est rapporté que c'était l'avis de l'imam al-Bukhari. C'était l'avis aussi plus tard de l'imam al-San'ani ou al-Shawkani. Et parmi les savants contemporains, on avait dit Sheikh ibn Baz ou Sheikh ibn al-Uthaymeen, qui eux considèrent que les preuves ne stipulent pas forcément l'obligation des ablutions. Donc ça, c'est deux avis rapportés, recensés. Al-Muhim, l'important maintenant, c'est que celui qui n'a pas le niveau pour chercher la question et pour se forger un avis, par précaution, il se prosterne avec les ablutions. C'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis des quatre écoles juridiques. Donc celui par précaution, il est préférable qu'il se prosterne avec les ablutions. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-a'lam. Et Allah est plus savant sur la question. C'est pour ça que vous voyez que les savants, il y a encore une preuve, les savants, ce qu'ils suivent, c'est ad-dalil. Et on voit que ce n'est pas des muta'assib bil-madhahib. Ils ne sont pas muta'assibin. Ils ne sont pas fanatiques du madhab. Sinon, ils auraient suivi l'imam Ahmed ibn Hanbal. Surtout que beaucoup de savants sont d'obédience hanbalite. Mais lorsque ad-dalil pour eux ne suppose pas forcément l'avis, alors eux, ce qu'il prévaut pour eux, c'est le dalil. C'est ad-dalil. Regardez par exemple, pour une question célèbre, la question des menstrues, al-hayd, pour la femme lorsqu'elle est indisposée. La majorité des savants, et c'est un consensus chez les quatre écoles juridiques, aussi bien chez les malikites, le hanabila ou le malikiya ou le hanafiya, les quatre écoles juridiques, les malikites, les shafiites, les hanbalites, et les quatre, considèrent que la femme, par exemple, ne doit pas rester à la mosquée pendant sa période où elle est indisposée, pendant la période de menstruation. Ça, c'est l'avis de la majorité. Beaucoup de savants contemporains, certains savants contemporains, considèrent qu'elle peut. Vous avez vu pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas convaincus par Ad-Dalil, eux, ce qu'ils suivent, c'est le Dalil, c'est la preuve. Et comme eux, ce sont des ulamas qui comprennent les preuves, donc même si pour eux, il y a presque un ijmar sur la question, mais eux, comme c'est la preuve qui prévaut, et ce n'est pas les avis pour eux qui prévaut. Pourquoi ? Parce que eux sont érudits et comprennent les textes. Pour déduire de cela, si pour eux le texte ne va pas dans le sens des avis des ulamas et des grands imams anciens, qu'est-ce qui prévaut chez eux ? C'est le dalil. C'est le texte. C'est le texte. Regardez par exemple, un jour, le savant Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, sur une question, il a contredit la majorité des savants sur cette question. Mais il dit, c'est mon avis. Il en est convaincu. Il considère que celui, par exemple, qui rentre à la mosquée et qui fait un rang qui est seul, et il a prié seul, sa salat elle est batila, sa prière elle est nulle. C'est-à-dire, celui, lorsqu'il rentre à la mosquée, il faut combler les rangs. Il faut terminer et combler les rangs. Maintenant, si vous rentrez, il n'y a plus de place. Tous les rangs sont complets. Tous les rangs pour la prière sont complets. À ce moment-là, ben, vous n'avez pas le choix, vous commencez un nouveau rang. Vous commencez un nouveau rang. Shir, selon son avis, si je ne me trompe pas, Shir considère qu'il ne faut, puisqu'il y a le récit, où le prophète interdit de se mettre à part. Le prophète a interdit. Et on voit ça dans beaucoup de mosquées. Parfois la prière, l'imam préside la prière, les fidèles prient une prière, et on voit des gens qui sont derrière qui prient. Ils prient seuls. Ils se mettent à l'écart. La personne qui fait ça volontairement, sa salat, elle est batila. Sa prière, elle est nulle. Salatun batila. Il le fait volontairement. Maintenant, c'est lui. Il ne le fait pas volontairement. De sorte, il rentre. Tous les rangs sont complets. S'il commence un rang et il est seul, beaucoup de savants l'autorisent. Parce qu'il ne l'a pas fait volontairement. Lam yata'ammad. Donc, s'il rentre, tous les rangs sont complets, là, il va commencer un nouveau rang. Si, qaddar Allahu wa masha'a fa'al. Si maintenant, ensuite, il n'y a personne qui vient rejoindre. C'est le dernier. Il n'y aura personne d'autre qui va rentrer dans la mosquée, de sorte qu'il ne soit pas seul dans le rang. Beaucoup de savants, la majorité des savants, voient que sa prière, elle est bonne. Shir que je vous ai nommé, lui considère que même comme ça, la tafih. Il ne doit pas être seul. Et lui-même, il dit, je sais que je contredis la majorité des savants. Il le sait. Mais lui, pour lui, son interprétation de la preuve prévaut à lui, il est convaincu, son interprétation de la preuve prévaut sur les avis. Pourquoi ? Parce que haoula ulama, hufaz, certains. Certains, ce sont des savants. Ils comprennent les preuves. Et ils ont une connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait que lorsqu'ils lisent des hadiths, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les comprennent. Différemment de nous. Et donc, plus on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus on a une connaissance de tous les recueils. La personne qui a étudié Sahihain, Al-Bukhari wa Muslim, wa Kutub Sitta, tous les livres de recueil, qui a étudié tous les récits qui sont dans ces livres. Il y a d'autres recueils, hein. Il y a d'autres compilations de récits. Mais les plus connus, les plus célèbres, Al-Kutub Sitta, les six, avec les deux authentiques, avec Ibn Majah, ou Abi Daoud, ou An-Nasa'i, ou At-Tirmidhi, ces sunan-là. Ensuite, vous pouvez rajouter le Musnad de l'imam Ahmed, et d'autres. Ces recueils-là, celui qui va passer sa vie à les étudier, à étudier tous ces récits qui sont dedans. Il va commencer à avoir une connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, Al-Dalil, la preuve prévaut chez eux. On avait terminé avec la question At-Tawaf ou Bil-Bayt Salatun. Certains ont considéré que le Tawaf, autour de la Kaaba est une prière. Est une prière. Il dit, on ne peut pas considérer le tawaf comme une prière. On ne peut pas considérer le tawaf, les sept tours qu'on fait autour de la Kaaba, comme une prière. Pourquoi ? Parce qu'il dit, al-hadithu lam yathbut. Le hadith n'est pas confirmé. Le hadith sur ça n'est pas confirmé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hadith qui dit at-tawafu bil bayti salatun. Le tawaf autour de la maison antique, autour de la Kaaba, est prière. Donc il y a un hadith qui relate cela. Sauf que ce hadith-là est rapporté dans le recueil de l'imam Tirmidhi. Il est dans Kitab al-Hajj, dans le livre du pèlerinage, Babu Maja afil kalam fi tawaf. Vous pourrez le retrouver dans le chapitre, lorsque l'auteur dit dans son chapitre, ce qui est rapporté concernant la parole, le fait de parler pendant le tawaf. Pendant le tawaf. Vous retrouvez cela dans le livre du Hajj, dans le recueil de Tirmidhi. Il relate ce récit-là. Sauf que les savants, en l'occurrence, Cheikh al-Islam, considèrent que, et vous pourrez retrouver cet avis-là dans Majmou' al-Fatawa, que le récit n'est pas authentique. Que le récit n'est pas authentique. فَقَدْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلطَّوَافِ مَا يَجِبُ لِلصَّلَاةِ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ وَقِرَاءَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Et donc, les savants sont d'accord que ce qui est obligatoire pour la prière n'est pas forcément obligatoire pour le tawaf. N'est pas forcément obligatoire pour le tawaf. Par exemple, il y a des choses dans la prière qui annulent la prière, comme le fait de boire, de manger, de parler. Si le tawaf est une prière, si on considère que le tawaf est une prière, donc manger, boire, ou bien parler, ça annule le tawaf, comme ça annule la prière. Or il dit, وَلَا يُبْطِلُهُ مَا يُبْطِلُهَا مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْكَلَامُ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Donc vous avez vu, c'est pas en vain que les savants traitent certaines questions et parlent de certaines questions. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il y a des règles et des sujets qui sont relatifs à ces questions-là. Donc par exemple, le fait de parler pendant le tawaf, ça va pas annuler le tawaf du pèlerin. Le tawaf du pèlerin. Et donc l'étude des récits, c'est pour ça que c'est très important. Parfois on voit des gens faire des choses, c'est pas forcément que c'est des innovations, des choses qu'ils ont inventées, mais parfois des choses que nous on considère comme bid'ah, comme innovation, beaucoup le font en réalité parce qu'il y a un texte. En réalité parce qu'il y a un texte, or le texte n'est pas authentique. Regardez ce qu'on voit souvent. Ce qu'on voit souvent, et que nous, parfois on peut penser que c'est une innovation, qu'il n'y a pas de asl à cela. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de asl, le hadith et les da'if, c'est une innovation. Mais ça n'a pas la gravité qu'on pourrait penser. Les gens se basent sur un récit, sauf que le récit est faible. Par exemple, ceux qui invoquent en levant les mains, ensuite ils s'essuient le visage. Le fait d'invoquer, ils invoquent, on voit beaucoup qui font ça, ils invoquent en levant les mains, ensuite ils s'essuient le visage après le dua. Ça, c'est pas rapporté du prophète, Hassan. Du moins, c'est rapporté, mais le hadith est faible. En réalité, il y a un récit. Il y a un hadith qui est rapporté. Les gens qui font cela se basent sur un hadith. Sauf le hadith, il est faible. Daif. C'est un hadith qui est faible. Et lui-même, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, dit qu'il y a un récit sur ça. Sauf que le hadith, daif. Le hadith, il est faible. C'est pour cela qu'on se doit d'avoir des bases dans le domaine de ilm al-hadith. Parce que parfois on fait des choses, c'est certes rapporté, mais c'est pas authentifié. Ce n'est pas authentique. C'est pour ça que les savants s'efforcent toujours de rapporter des textes authentiques. Regardez, Cheikh Al-Albani dans son livre Sifat al-Salah, il s'efforce de rapporter des textes authentiques. Et vous allez voir que l'auteur aussi ici, Cheikh Al-Athaymeen, s'efforce de rapporter des textes authentiques. ثم قال في الفصل الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى متى وأين فرضت الصلاة. On va commencer maintenant le deuxième chapitre. On a terminé l'étude du premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est concernant quand est-ce a été légiférée, prescrite la prière et où. C'est ça le deuxième chapitre. Où et quand a été prescrite la prière. قال فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة ليلة المعراج. Donc premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que la prière a été prescrite pendant ou lors de la nuit de l'ascension. Ce qu'on appelle Laylatul Mi'raj, la nuit de l'ascension. Et l'ascension a eu lieu avant ou après les Hijra? Avant. Et l'ascension a eu lieu avant les Hijra, avant l'immigration du prophète en somme de la Mecque à Médine. Min Mekka ila al-Madina. أي في الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. Et donc, elle a été légiférée et prescrite durant la nuit, durant laquelle le messager d'Allah, صلى الله عليه وعلى آله وسلم, fut transporté vers Jérusalem. Beit al-Maqdis, c'est Jérusalem. Ensuite, le prophète, صلى الله عليه وسلم, fut élevé au ciel. Et cette élévation au ciel, c'est ça ce qu'on appelle al-mi'raj, l'élévation au ciel, al-mi'raj, l'ascension. On traduit souvent cela par l'ascension. Pour cela, lorsqu'on dit uruj al-mala'ika, l'ascension aussi des anges, ta'ruj al-mala'ikatu, l'ascension des anges. Et d'ailleurs, l'ascension est une preuve aussi qui indique l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est dit ta'ruj al-mala'ikatu, les anges sont montés, c'est le fait de monter, de faire l'ascension, ça prouve l'élévation d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah est au-dessus des cieux, et le plus haut, le très haut, au-dessus de ses créatures, et de sa création. Qala. Lorsque le prophète, en somme donc, durant cette nuit, fut transporté vers Jérusalem, ثم عرج به إلى السماء. Ensuite, le prophète, en somme, fut monté, élevé, au ciel. Il fut élevé dans le ciel. Et ça, ça s'est produit quand exactement? Il dit ça, ça s'est produit une année avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon un avis. Certains savants, historiens, spécialistes de la biographie de Sira, ont évoqué que trois années. Que ça s'est produit trois années avant l'Hijra. Et dont on même dit Khams Sanawat. Et certains ont été d'avis cinq années. Faqila bi sanatin wahida, waqila bi thalath sanawat, waqila bi khams sanawat. Et d'autres savants ont vu cinq années. Al-Muhim, c'est avant l'émigration, peu avant l'émigration du prophète. صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسين صلاة كل يوم وليلة فقبل ونزل مستسلما لهذا الأمر راضيا بفرض الله له. Et là, c'est très pertinent. Là, ça nous fait un grand rappel. Lorsqu'ensuite il dit Allah Azza wa Jal donc l'a prescrite. À la base, 50 prières, comme vous le savez. Mais ça, c'est vraiment un rappel. À la base, c'était 50 prières. Kulla yawm wa layla. Wa nazala mustasliman. Et à la base, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il est redescendu soumis à son créateur. Il a reçu la prescription. Allah lui a ordonné, commandé, prescrit ses 50 prières. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est redescendu. Il le décrit comme mustasliman li amrillahi azza wa jal. Il était soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était satisfait de ce que lui a prescrit son créateur. Wa huwa qa'idu hadhihi al-umma. Là, c'est une parole vraiment elle fait il dit wa huwa qa'idu hadhihi al-umma. Et le prophète même c'est le commandeur, le qa'id. Comme le général, le commandeur, le qa'id. De cette nation, de cette communauté. وَالْتِزَامُهُ بِذَلِكِ الْتِزَامُ لِلْأُمَّةِ كُلِّهَا. Et le fait qu'ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se conforte et conforme à cela, c'est pour toute la nation. Et c'est comme si toute la nation se conforme à cela. Pourquoi? Parce que lui, c'est le commandeur, c'est le guide. Où il dit, قَائِدُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مر بموسى عليه السلام jusqu'à ce qu'il dit qu'ensuite il est passé devant Moussa ibn Imran. C'est une très belle histoire. Et c'est là que وهو في السماء السادسة. Et il dit alors qu'il était au sixième ciel. Il était au sixième ciel. Alors il passa. قال بما أمرت. Et là Moussa dit au prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il rencontra Moussa عليه السلام le prophète Moïse Moussa, que la paix soit sur lui, Moussa s'adressa au prophète et lui dit « Qu'est-ce qui a été commandé ? Qu'est-ce qui t'a été ordonné ?» فَقَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاتًا كُلَّ يَوْمٍ Et là, le prophète ça me dit à Moussa « Il m'a été ordonné 50 prières par jour. » فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاتًا كُلَّ يَوْمٍ Et là, c'est là que Moussa dit au prophète, sallam, ta communauté, ta nation, ne pourra pas supporter 50 prières par jour. وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ Et Moussa, il dit qu'il a certes testé les gens avant lui. Il dit, avant toi, j'ai testé les gens sur ça. وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَ Et il dit, et j'ai lutté durement contre les tribus de Banu Israël sur cela. فَقَالَ فَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ Mais dis, reviens vers ton Seigneur et demande-lui qui t'allège. Cela. فَقَالَ فرجعت فوضع عني عشرة. فرجعت فوضع عني عشرة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم est revenu et Allah عز وجل lui a enlevé 10. Alors il a rencontré Moussa. فرجعت إلى موسى فقال مثله. Et là Moussa lui a dit la même chose, de revenir vers le Seigneur, jusqu'à ce que le prophète revint et Allah عز وجل lui a enlevé 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. Et il dit, je suis revenu vers Moussa. Et Moussa lui a dit, alayhi salam, que la paix soit sur lui, lui a dit la même chose. Et donc le prophète, alayhi salam, revint. Et Allah, azza wa jal, lui a enlevé encore 10, il dit. Et lorsqu'il revint à Moussa, Moussa, qala lahu mithla, il lui a dit la même chose. Faraja'tu, jusqu'à ce qu'il dit, faraja'tu fa umirtu bi'ashri salawatin kulla yawm. Jusqu'à un moment, il est revenu et il dit qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné 10 prières par jour. فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ Et de la même manière, lorsqu'il vit Moussa, alayhi salam, il lui dit de revenir vers son Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle fût allégée à 5 prières. À la fin, je vous ai résumé, elle fut allégée à 5 prières. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah نحن نقتل بنا اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا هو الوسيلة والفضيلة بعث محمدا الذي وعدته. نكمل بقية الحديث. ثم قال لما وصل إلى خمس صلوات lorsqu'il est arrivé à cinq prières, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ensuite a allégé les prières de 50 à 5, قال في الحديث أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم. خمس صلوات كل يوم. وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم راضيا بذلك منشرحا به صدره ولله الحمد. Lorsque le prophète Hassan nous dit dans le récit, lorsque ça a été diminué à 5 prières, Moussa, même à 5 prières, il lui a dit reviens et demande que celle-ci soit allégée. Alors le prophète Hassan nous dit, il retourna vers son Seigneur pour demander l'allègement, mais ensuite il dit, je lui ai tellement demandé que j'ai honte. Le prophète, il dit qu'il avait tellement demandé qu'il avait honte ensuite. Alors il dit, je suis satisfait, me soumets à lui. Puis alors que je m'éloignais, une voix retentit, dit. Le prophète ensuite dit, lorsque je me suis éloigné, une voix retentit et dit, j'ai dicté ma loi et soulagé mes serviteurs. Et soulagé mes serviteurs. Donc, c'est passé de 50 prières à 5 prières. Et le messager d'Allah, alors le prophète, redescendit satisfait de cela, le cœur léger, et c'est Allah qu'appartient la louange. Ensuite, l'auteur dit, après avoir parlé de la prescription de la prière. Donc, c'est soit une année ou quelques années, c'est un peu avant l'émigration de Mecca et l'Al-Madina que la prière, les cinq prières, ont été prescrites. Les cinq prières compris, ont été prescrites. أول ما فرضت الصلاة كانت على ركعتين ركعتين. Sauf qu'au début, lorsque la prière a été prescrite, au départ c'était deux rak'at, deux rak'at. C'était deux unités de prière, deux unités de prière. Illa al-Maghrib. Sauf pour la prière du coucher du soleil, c'était trois rak'at. C'est qu'après الهجرة. سيبقى الإميغراسيون. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فصارت رباعية معاد الفجر والمغرب. Sauf que le prophète après l'émigration, c'est là que la prière du résident, elle fut augmentée à 4 rak'at. Elle devint 4 unités de prière. رباعية. 4 unités de prière. Sauf pour la prière de l'aube du matin et la prière du coucher du soleil. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففرضت أربعا وترك الصلاة السفر على الأولى. Et donc Aïcha, elle nous rapporte cela comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Elle dit au départ la prière lorsqu'elle a été prescrite c'était deux rak'at. C'était deux unités de prière. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, le prophète, lorsqu'il a fait l'émigration, elles ont été prescrites à quatre unités de prière. À quatre unités de prière. Sauf que, pour la prière du voyageur, c'est resté comme au début. Pour la prière du voyageur, c'est resté comme au début. وروى الإمام أحمد إلا المغرب. Et l'imam Ahmed, c'est pour ça qu'il rapporte, sauf le Maghrib, c'est resté à trois rak'at, trois unités de prière. لِأَنَّهَا وَتْر. Pourquoi? Parce que c'est une prière avec un nombre de rak'at qui est impair. وَالصُّبْح لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَ. Et pourquoi Al-Maghrib, ça n'a pas été augmenté à 4 parce qu'elle a un nombre impair. Et pourquoi Al-Subh, la prière de l'aube, de l'aurore, pourquoi elle est restée à 2? Parce que la lecture est plus longue. Parce que la lecture est plus longue. Et ça, c'est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Et on peut retrouver aussi que c'est rapporté dans Al-Bukhari. وَقَدْ اِخْتَنَفَ الْعُلَمَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ هل كانت الصلاة مفروضة قبل المعراج؟ Et les savants ont divergé. Est-ce que avant le voyage de l'ascension du prophète sallam, avant que le prophète monte jusqu'au dernier ciel, et avant que le prophète sallam, Allah lui prescrit les prières obligatoires, est-ce qu'il y avait une prière prescrite? Est-ce qu'il y avait prière prescrite? فذهب بعض العلماء إلى أنه لم يكن قبل المعراج صلاة مفروضة. إلا ما وقع من الأمر بصلاة الليل من غير تحديد. من غير تحديد. Certains savants, pour eux, avant les prières prescrites qu'on connaît, avant le voyage de l'ascension du prophète, ensemble, pour eux, il n'y avait pas de prière prescrite. Il n'y avait pas de prière prescrite. إلا sauf lorsqu'il y avait, par exemple, l'exhortation de prier la nuit. Sauf le fait de prier la nuit, min ghayri tahdid, mais sans qu'il y ait une limite précise légiférée pour les prières de nuit. Pour les prières de nuit. Wa dhahaba qawm, lorsqu'il dit qawm, yani min al-ulama, et certains savants, eux, ont été d'avis, ila anna salata kanat mafroudatan raka'atayni bil ghada, wa raka'atayni bil ashi. Mais eux, certains savants, ont été d'avis qu'il y avait une prière du matin et une prière le soir. Certains savants étaient d'avis qu'il y avait une prière prescrite le matin, c'est-à-dire deux unités de rak'at qu'il faisait le matin et deux rak'at qu'il faisait le soir. Wallahu a'lam. Et de ce fait, on a fini le deuxième chapitre. Walillahi alhamd, on a fini le deuxième chapitre. Et donc, ça prouve quoi? Imaginez-vous que la prière obligatoire, les cinq prières comprises, imaginez-vous, cela, elles ont été prescrites. Certains savants disent une année avant le Hijra. Le prophète, le voyage de l'ascension, lorsqu'il était transporté vers Beit al-Maqdis, ensuite il est monté vers les cieux, il a fait l'ascension. Certains savants considèrent que c'est une année avant le Hijra. D'autres disent trois, par exemple. C'est quelques années avant le Hijra. Donc les prières ont été prescrites une année ou bien trois années, comme ça a été dit, avant le Hijra. Sauf que le prophète sallam est resté 13 ans à la Mecque. 13 années à la Mecque. Donc une dizaine d'années, la prière n'avait pas été encore prescrite. Faisait pas encore les cinq prières quotidiennes. Qu'est-ce que le prophète sallam mada kana yasna? Mada kana yaf'al an-nabi sallam ashabi à la Mecque? Kana an-nabi sallam yu'allim an-nas at-tawhid wa ibadat Allah 'azza wa jalla. Le prophète sallam toutes ces années, il enseignait à ses compagnons, aux gens à la Mecque, Tawhid Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ubudiyya, comment adorer le Créateur, la bonne croyance envers le Créateur. Le prophète sallam kana yad'u qawmahu ila tawhidillah wa ila ibadatillah Azza wa Jal. Et donc les cinq prières obligatoires, elles furent prescrites avant al-Hijra. Et comme les savants disent, elles étaient rak'atayn, rak'atayn, et c'est après al-Hijra qu'elles sont devenues ruba'iyya, qu'elles sont devenues à quatre unités de prière. Naktafi bihad al-qadr, wallahu a'lam, wa usalli wa usallim ala ashrafi al-anbiya wal-mursaleen, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.